Ta gueule. C'est du geekos là. Il y a du geekos. Je crois que c'est Carab. Carab, il t'aime bien. Il aime bien comme tu joues. Carab. Tu vois qui c'est ? Ça twist. Ah, d'accord. Tu parles à qui là ? À moi ou à toi ? À toi-même, Pan. Pan, c'est un mec. Avant, il était schizophrène. Maintenant, il s'entend beaucoup mieux. Ouais, Karab, il aime bien comme tu joues, mais il joue très très bien, c'est un excellent pianiste. Souvenez-vous, magnifique, Guy! Ah voilà, ah, il nous espionne le petit. Ah, il est sympa, il est très sympa. Bon, un autre morceau là? Qu'est-ce qu'on a? Il est très sympa. Oh, le rire d'Arnaud, quoi. Le rire d'Arnaud. Tiens, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de caler un rythme. Comme, c'est comme quoi Juan, cette caler merde, les rythmes, non, quand c'est quoi voilà. When the sky roll it was throw. Oh, ça marche pas. Pardon? Ta gueule, quoi. T'es vraiment qu'une merde, je t'emmerde. Mais doublement, quoi. Moi, j'essaye de faire d'Azik au moins, quoi. T'as quel chambreur, le PD, quoi. Le PD de merde, quoi. Comme il m'a plié, quoi. Ah, tu m'as plié, là. Ah là là, comme il m'a plié, c'est pas possible. PD de merde, tu verras pas. Oh, comme il m'a tué cet enculé, quoi. Bon. Oh, le salaud, quoi. Il y a Bill Honke qui a déjà chopé la basse. Bien joué, Bill. Oh putain, on va passer pour des débiles. Enfin bon, ils parlent pas tous français aussi, quoi. C'est ça le problème. Pas du bloc. Tu m'étonnes. Bill Honke, qu'est-ce que c'est Bill Honke? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, voilà. US. Ah, ok, américain. Bon, on est plus en intimité là, hein. On est plus en intimité intime. Bon. Ouais. Y compris au niveau de la discrétion d'ailleurs. Si je peux remarquer. Sur les filles. En intimité intime. Bon, Pan, je te demande. Non, mais. Et. L'ordi. Quand est-ce qu'on fait un album smooth, toi et moi? Un album smooth, quoi. Je veux exégite. Oui, l'ordi. Putain. Ouais. Non, ça va pas être possible ce soir. Écoute, ce matin, je me suis réveillé. J'ai pas de bière là. Donc ça veut dire qu'elle est belle si tu peux pas roter. Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire qu'elle est belle si tu peux pas roter. J'ai compris ton message en fa dièse mineur 12. Ouais, faut qu'on fasse. Putain, je me suis réveillé ce matin, j'avais rêvé d'un super morceau de jazz. Cool. Jazz. Et quand je me suis réveillé, bah, je l'ai oublié. Voilà. C'est super cool. Faut qu'on passe un album. Ouais. D'accord. T'as les mecs super productifs, quoi. Oh putain, c'est pas possible, quoi. Bon, écoute, moi j'ai un morceau. Toi t'en as combien? T'en as deux. Ça nous en ferait trois, quoi. C'est un truc, ça ferait un album, quoi. Attends, bouge pas. 1 plus 2, je peux voir, mec. Demande à ta copine. Non, mais il y a moyen. Par contre, y a moyen. Bon, c'est trop chiant cette latence à la con, là. Bah ouais. On s'en fout. Bah on appuie pas, ça se vend je sais pas. Bonne question. Supermarché Leclerc, un Monoprix, je sais pas. Ouais, bien sûr, tu peux envoyer ça, ouais, tu peux envoyer et puis ouais. Ce serait une belle idée, ça. les phrases qui arrivent 10 ans après. Bah attends, il y a moyen, hein, parce que souvent smooth jazz c'est Mais t'envoies la galette, quoi. Mais avant faut avoir la galette, en fait. Oui, je sais ce que tu vas faire. Tu veux qu'on se mette sur Tiny. On n'a pas le niveau pour être signé chez Dreyfus. T'es fou, toi. Viens, on se fout sur Tiny Chat, mec. Tiny Chat. Ouais, bah, c'est l'enfer, la latence, mec. Viens, on se fout sur Tiny Chat. Allez, gros.